C'est le moment maintenant de revoir comment exprimer un ordre. Ça peut toujours être utile. Si vous le voulez, vous pouvez consulter de nouveau les méthodes précédentes pour rafraîchir votre mémoire. Allons-y. Comme vous le savez, il y a deux terminaisons au présent, celle en A et celle en E. Elles correspondent à nos deux catégories, celle de verbe en AR et celle de autres verbes. Et comme nous l'avons déjà vu, pour passer à l'impératif, c'est-à-dire pour donner un ordre, il faut juste changer de terminaison en passant d'une catégorie à l'autre. Quand l'ordre est au vouvoiement, à la forme avec nous, ou est négatif, c'est-à-dire avec ne. Donc, si nous parlons se dit hablamos, parlons se dit hablemos. On a juste changé de catégorie, de A à E, et on a obtenu l'impératif. Si buvons se dit bebamos, comment direz-vous mangeons tout de suite? Comamos ahora mismo. Comamos ahora mismo. Et si changer se dit cambiar, comment direz-vous changeons? Cambiemos. Cambiemos. Nous avons changé de catégorie ou de chemin. Nous sommes passés des terminaisons en A à celles en E. Comment direz-vous à un enfant ne la mange pas, c'est mauvais pour toi? No la comas, es malo para ti. Lorsque l'ordre est négatif, on change de terminaison. On a donc « no la comas, es malo para ti ». De nouveau, on change de terminaison lorsque l'ordre est négatif. « No la comas ». Lorsqu'il est positif au vouvoiement, « comala » ou avec nous, « comamosla ». Vous souvenez-vous que lorsque l'on donne un ordre positif à une personne que l'on tutoie, on ne change pas les terminaisons? Donc, comment diriez-vous en parlant d'une orange? Mange-la, c'est bon pour toi. Cómela, es bueno para ti. Cómela, es bueno para ti. Intéressons-nous maintenant au pronom. Un pronom est un mot qui remplace un autre mot ou un groupe de plusieurs mots. On l'utilise pour ne pas avoir à répéter deux fois la même chose. Par exemple, au lieu de dire « j'ai mangé le sandwich », on dira dans une conversation « je l'ai mangé ». Comme nous l'avons déjà vu dans la méthode Arabs Michel Thomas Perfectionnement, lorsque l'ordre est positif, c'est-à-dire sans « ne », il faut accoler les pronoms à la fin du verbe en espagnol. Il faut aussi donner d'abord celui désignant la personne et ensuite celui désignant l'objet. C'est donc l'inverse du français. Comment direz-vous alors, en vous voyant votre interlocuteur? Dites-le-moi. En espagnol, on dit littéralement « dites-moi-le ». Dígamelo. Dígamelo. Tout ça s'écrit en un seul mot, et il y a un accent sur le premier « i ». Et en parlant de livre, comment diriez-vous? Mettez-les ici. Vous voyez votre interlocuteur. Póngalos aquí. Póngalos aquí. Comme on ajoute los à ponga, il y a un accent écrit sur le premier O, car le mot ne respecte plus la règle du son. Pensez donc à insister sur la première syllabe à l'oral. Lorsque l'ordre est négatif, c'est comme en français, on met les pronoms devant le verbe. Donc, comment diriez-vous, toujours en vous voyant votre interlocuteur, ne les mettez pas ici. No los ponga aquí. No los ponga aquí. Je me répète, mais n'hésitez pas à revoir tout cela. Vous verrez comme tout vous reviendra rapidement.